Feu, vol, vandalisme ou rénovation, l'équipe qu'il vous faut, c'est celle de ProNet Régent Côté, communément appelée GUS. Bien implanté dans son milieu depuis 25 ans, GUS est générateur d'emplois dans sa communauté avec plus de 35 emplois créés dans le secteur. GUS, 1651, route 169, Saint-Félicien, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances à l'organisation du triathlon de Saint-Félicien et souhaite du beau temps aux organisateurs. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto Lavoie Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, Pierre-Alexandre Bédard, j'ai vu la semaine passée qu'il avait fait, qu'il avait battu Dave Levesque. Ça va bien pour Pierre-Alexandre. Ça va très très bien. D'ailleurs, je parlais avec hier, il est ici à Chibougamau okay. pour la semaine. Ouais. Puis il est en super forme. Puis comme il disait, il a connu tout qu'un mois d'août, autant sur le plan financier que sur le plan des performances. Mm. Puis ce que tu as vu comme message la semaine dernière, c'était sa première ou sa deuxième partie d'un championnat match play interprovincial. Ouais. Les 32 meilleurs professionnels au Québec s'affrontaient dans un championnat match play, puis le gagnant prenait le gagnant des 32 meilleurs joueurs de l'Ontario. Mm. Puis Pierre-Alexandre s'est rendu jusqu'en demi-finale, donc 5 victoires. Il a perdu à sa 6e partie contre Jérôme Blais, 2-1. Donc encore très très belle performance pour Pierre-Alexandre. OK, donc ça c'est encore une fois, ça va super bien. Est-ce qu'il y a un match, qu'est-ce qu'on peut parler maintenant de nouveau? J'ai pas, je sais que c'est la fin de semaine. Fin de semaine dernière, ouais. Fin de semaine dernière, c'était la finale de la Coupe des champions. Okay. On peut rappeler, entre autres, les victoires de Marc-Olivier Bougie dans la classe A, Dave Lachance dans la classe BB et Normand Baudry dans la classe B. En fin de semaine, on a deux petits tournois amicaux. Mm. Donc, une formule en équipe de trois samedi, puis une formule en équipe de deux dimanche. Puis, comme je te le mentionnais, on aura le plaisir de côtoyer sur les allées Pierre-Alexandre qui va jouer samedi et dimanche avec nous en fin de semaine. OK. Lui, il reste... Parce que j'ai regardé le Canadian Pro Tour aujourd'hui. J'ai regardé le show. Il reste quelques tournois, hein? Il reste encore quelques tournois. Puis il commence déjà à préparer son automne où il devrait être en Floride. Puis il y a des plans là pour l'hiver avec peut-être des modifications dans ce qui visait comme déroulement à cause justement de ses bonnes performances des dernières semaines. OK. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi? Je devrais y parler bientôt de positif, j'imagine, sûrement. Très, très positif. Écoute, je te laisse le plaisir d'y en parler. Ouais. M'en dis, c'est quoi son plan pour cet hiver? Puis, il y aura probablement des bonnes nouvelles à t'annoncer. Ben, effectivement. Ça devrait se concrétiser, là, très prochainement, d'après ce qu'il me disait. OK. Ben, Michel, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Fait le tour cette semaine. C'est sûr qu'on tire vers la fin. Ben oui. Avec le début de septembre. Mais on rappelle aux gens qu'en fin de semaine, c'est disponible. Les conditions sont excellentes. Beaucoup, beaucoup d'heures de disponibilité. Toute la population est bienvenue. OK. Ben, Michel, on s'en reparle jeudi prochain. On rappelle que cette chronique est une commandite d'Auto Pièce Auto Napa et également aussi le club de golf de Chibougamau.